Bonjour et bienvenue dans le magazine scientifique de France Inter, du vent dans les synapses. Trouveriez-vous moral qu'une voiture autonome sacrifie son passager pour éviter d'écraser un groupe d'enfants? Et seriez-vous prêt à acheter un véhicule capable de prendre la décision de vous tuer pour sauver d'autres vies? Dans un instant, nous allons nous intéresser aux questions morales et psychologiques que soulève la programmation des voitures sans conducteur avec notre invité Jean-François Bonnefond, spécialiste des dilemmes moraux posés par l'intelligence artificielle. La sonde Voyager 2, sortie de son système solaire, qui nous envoie des informations sur le milieu interstellaire, et la découverte d'un grand singe, vieux de plus de 11 millions d'années, qui rebat les cartes de la bipédie. Nous en parlerons dans la revue d'actu de la semaine avec Mathilde Fontaise et Sophie Bécherel. En deuxième heure, l'astrophysicien Hubert Reeves nous emmènera en balade dans son univers. Et en fin d'émission, nous prendrons des nouvelles du voilier Tara, parti étudier depuis près de 6 mois les particules plastiques dans les estuaires et en amont des grands fleuves d'Europe. Voilà pour les grandes étapes du jour. Cette émission est réalisée par Marie-Hélène Fauquet et préparée par Rebecca de Nantes, avec à la technique Tristan Gratalon et Johanna Gabric. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Qu'est-ce que c'est que ce fantastique tableau de bord? Un ordinateur? Exactement, un ordinateur. Oui. Ce qui en fait sans doute la voiture la plus sûre de l'univers. Elle est entièrement commandée par les microprocesseurs de cet ordinateur, appelé KIT, et ne peut en aucune manière être impliquée dans une collision quelconque. Allez-y. Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT 2000. Le KIT, si tu préfères. Mais je crois que je ne préfère rien. Je n'ai pas envie du tout de rouler dans une voiture qui sans arrêt pourra me parler. Et mieux vaudrait peut-être mettre en conduite automatique par sécurité. Non, je n'ai rien du tout. Bonne route. Alors là, j'arrive pas à le croire. Un ordinateur qui va me donner des infos. Bonjour Jean-François Bonnefond. Bonjour. Vous êtes chercheur en psychologie cognitive à la Toulouse School of Economics et vous venez de publier « La voiture qui en savait trop, l'intelligence artificielle a-t-elle une morale ?» aux éditions Humaine Science. Vous avez reconnu évidemment l'extrait qu'on vient d'entendre. Eh oui, KIT, K2000, la voiture autonome comme K2000, capable d'éviter absolument tout type d'accident, ça n'existera jamais. Probablement non. Même quand on avance le chiffre extrêmement optimiste de 90% des accidents évités à long terme, on se rend bien compte que ça n'arrivera peut-être jamais, ou en tout cas dans très longtemps. Ouais, les voitures sans conducteur seront confrontées à des dilemmes. Dans certaines situations, elles ne pourront pas sauver tout le monde. C'est cette question qui a allumé cette recherche qui n'en finit pas d'avoir des retombées. Oui, c'est vrai. C'est un jour en... réalisant que les voitures autonomes auraient des accidents, forcément, hein, on ne peut pas tous les éliminer, j'ai imaginé qu'il allait falloir pour nous décider des accidents que nous les laisserions avoir. Et c'est de là qu'est née toute ma recherche sur les dilemmes moraux des voitures autonomes. Il va falloir programmer des machines pour qu'elles décident seules, une fois qu'on les aura programmées, de qui doit vivre et de qui doit mourir. C'est un cas de figure assez unique dans l'histoire de l'humanité. Oui, jamais on a laissé à une machine le pouvoir de librement décider de faire du mal à un humain. Alors quand même, il faut bien dire que ces situations-là, a priori, sont extrêmement rares, extrêmement improbables. Ce qui est plus probable, c'est qu'une voiture autonome décide un peu à chaque instant qui court le plus de risques sur la route. Mais peut-être que oui, le cas extrême, c'est la voiture autonome qui doit décider de qui va avoir un accident. Alors votre livre se lit comme un roman, on découvre les coulisses de la recherche et comment d'une simple idée dont vous n'étiez même pas très certain au départ est née la plus grande base de données morales jamais réalisée au monde avec des publications dans les revues scientifiques les plus prestigieuses. Les recherches que vous avez menées autour de ces questions ont pris une ampleur que vous n'attendiez pas. Ça vous a surpris vous-même ? Complètement. Il y a eu plusieurs moments de grande surprise en fait. Très tôt, alors même que nous n'avions pas publié notre premier article, quand tout à coup Internet, la presse s'est emparée de ce qui était en fait un brouillon à l'époque et pas du tout un article fini. Déjà, ça a été un premier choc. Et puis ensuite, il y a eu l'aventure Moral Machine et où là, les choses se sont accélérées à un degré que nous n'avions jamais imaginé. Alors on va revenir sur toute cette aventure ensemble. Mais d'abord, comment vous est venue cette idée, ce thème de recherche? J'imagine, comme les idées viennent souvent aux scientifiques, à une conférence, après avoir discuté avec des collègues, à brûle-pourpoint, j'ai eu cette idée qui était « mais si les voitures autonomes ne peuvent pas sauver tout le monde, alors doit-on leur dire qui sauver ?» Et puis j'ai raconté cette idée à un collègue qui était à côté de moi, et puis à l'expression de son visage, j'ai compris que c'était une mauvaise idée. qu'elle n'avait aucun potentiel. Alors j'ai mise de côté. Et puis, deux mois plus tard, la coïncidence a voulu qu'en visitant un collègue à Dubaï, il m'a fait monter dans une voiture autonome, que là, cette idée m'est revenue à l'esprit, que je lui ai raconté, et que là, son visage s'est figé, et qu'il m'a dit, on arrête tout, et on travaille uniquement là-dessus. Ouais. Alors, c'est devenu un thème de recherche qui vous a effectivement occupé, et beaucoup occupé. Alors, il fait quand même référence à un dilemme qui existe depuis bien plus longtemps, même en philosophie, hein, c'est la philosophe Philippa Foot qui, en 1967, a formulé le dilemme du tramway pour la première fois. Depuis, il a été énormément commenté, ce dilemme du tramway. Il a même été repris dans la fiction. Imaginez que vous conduisez une rame de tramway et que d'un seul coup, les freins lâchent. Si vous continuez sur les mêmes rails, vous allez tomber sur 5 ouvriers sur lesquels vous allez forcément rouler. Mais vous avez aussi le choix d'emprunter une autre voie. Et sur cette voie, il y a également un ouvrier qui travaille un seul et non pas 5. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on sait quelque chose sur les gens qui travaillent ? Est-ce que dedans, il y a un ex-petit copain ? Ou alors cette fille condescendante de la pharmacie qui jette un regard inquisiteur sur tout ce que j'achète ? Du genre, oh, une boîte de préservatifs et un test de grossesse ? Vas-y, prends-moi pour une débile ! On ne sait absolument rien sur tous ces ouvriers. Oh, c'est facile alors. Je change de voie et je tue une personne au lieu d'en tuer 5. Bien, mais il y a tout un tas de possibilités si on varie les données. Si vous connaissiez un ouvrier, par exemple, est-ce que ça modifierait votre décision ? Et si vous n'étiez pas le chauffeur, mais juste un simple passant ? Extrait de la série The Good Place, Jean-François Bonnefond. Le dilemme du tramway était un cas théorique pour faire réfléchir et interroger un petit peu la morale de chacun. Tout d'un coup, avec la voiture autonome, de la théorie, on passe à la pratique. Alors, oui, le dilemme du tramway, c'était une expérience de pensée qu'on utilise encore à l'heure actuelle, hein, dans les cours de philosophie, par exemple, comme un exemple d'une situation où il n'y a pas de bonne solution. En fait, il est toujours présenté comme une expérience de pensée qui conduit à réaliser que parfois, aucune décision n'est moralement acceptable. Mmh. Malheureusement, avec les véhicules autonomes, même si, encore une fois, ces situations-là seront extrêmement rares, il faut les anticiper tout de même et tout à coup trouver une solution acceptable. Ouais. Alors, pour trouver des solutions acceptables, vous allez d'abord tenter une première étude avec vos collègues chercheurs, ceux qui ont accepté de vous suivre dans cette aventure. Nous sommes en 2015, à ce moment-là. La première de ces études est encore relativement restreinte. Vous travaillez avec un peu moins de 2000 personnes. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous demandez à ces personnes ? Alors, nous commençons par leur poser des questions simples, un peu comme celles que nous avons entendues dans l'extrait sonore. Si une voiture autonome avait le choix entre rouler sur une personne ou sur 5, qu'est-ce qu'elle devrait faire moralement ? Si une voiture autonome avait le choix entre rouler sur 5 personnes ou sacrifier son passager, qu'est-ce qu'elle devrait faire moralement ? Et puis aussi, à quel point est-ce que vous seriez content de voir des voitures comme ça circuler dans vos quartiers ? Et puis aussi, est-ce que vous seriez prêt à acheter une voiture qui est capable de faire un choix pareil ? Et alors, qu'est-ce qui ressort de ce premier questionnaire ? Le consensus qui nous a frappé, c'est que encore et encore, les gens nous disaient que moralement, la voiture devait sauver le plus grand nombre. Ça a l'air trivial peut-être, mais c'était une première étape. Moralement, la voiture doit sauver le plus grand nombre. C'est ainsi que les voitures autonomes devraient être programmées. Mais, petite surprise, ou bien pas, à la question, est-ce que vous achèteriez une voiture programmée pour sacrifier son passager, éventuellement ? Là, tout à coup, les gens nous disent non. Ouais, c'est-à-dire, on peut se mettre dans un cas très concret. Hein. Si, par exemple, pour éviter un groupe de 5 personnes, elle doit foncer dans le ravin, elle va tuer son passager, mais elle sauvera les 5 personnes sur la route. Les gens pensent que c'est bien qu'une voiture réagisse comme ça. Mais si on leur dit, est-ce que vous êtes prêt à aller acheter cette voiture qui, en cas de coup dur, vous projettera dans le ravin ? Là, ils ne veulent plus. Et on ne peut pas les taxer d'hypocrisie. On comprend très bien ce raisonnement. D'ailleurs, ils n'avancent pas masqués, ils le disent. Mmh. Je trouve que c'est le mieux, mais je ne veux pas acheter cette voiture. C'est ce qu'on appelle un dilemme social en économie, c'est-à-dire une situation où on se rend bien compte que le monde serait meilleur si tout le monde rouler dans des voitures programmées pour sauver le plus grand nombre, mais où chacun d'entre nous, on n'a pas envie d'être celui qui va acheter cette voiture-là. Alors c'est un dilemme social, ça vous l'avez compris justement. Alors dans un premier temps, cet article avec ses premières conclusions, vous l'avez proposé à les deux plus grandes revues scientifiques, Nature et Science, qui ne l'ont pas accepté. Après avoir un peu hésité, elles n'ont pas accepté. Vous avez publié un préprint à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est un préprint ? Un préprint, c'est la version d'un article scientifique qui n'est pas encore accepté par un journal, qui est en quelque sorte le brouillon de l'article, non fini, non expertisé, non vérifié, donc qu'on met à disposition en principe des autres scientifiques, s'ils veulent se faire une idée, mais pas à disposition du grand public. C'est là que c'est intéressant quand on lit votre livre, parce qu'on arrive un peu dans les coulisses de la recherche et on voit comment votre sujet d'étude vous a un peu dépassé. Parce que ce préprint, on l'a compris, qui n'est pas vraiment validé par les autres scientifiques, qui est plus une sorte de premier essai que l'on lance à la communauté scientifique, a été repris par les médias. Et en fait, c'est là où ça vous a dépassé, parce que tout le monde s'est intéressé à votre sujet avant même qu'il ait été scientifiquement validé. Tout à fait. Le préprint était sur Internet. La revue technologique du MIT a décidé d'écrire un petit papier dessus. Et ce papier, il s'est répandu comme une traînée de poudre. On a vu des forums sur Internet débordés de commentaires. Puis la presse a commencé à nous contacter. Et je dois dire qu'on était un petit peu embêtés parce que autant on a l'habitude de parler d'un article publié, bien vérifié, bien bordé, autant on était dans des eaux un peu troubles pour ce qui est de parler d'un brouillon. Ouais. Et alors évidemment, ça a donné lieu à des titres bien accrocheurs. Hein. Pourquoi les voitures sans conducteur doivent être programmé pour tuer. On comprend que cette question est un peu cristallisée, beaucoup d'interrogations. Ça a eu le mérite d'envoyer vers vous beaucoup de chercheurs qui sont venus un peu apporter des contributions à votre travail. C'est ça. Nous, avec tout ce qui se passe autour de ce préprint, avec tous les commentaires du grand public, mais aussi des scientifiques qui réagissent, nous comprenons ce qui manquait à la version initiale, qui était cet angle qui est le dilemme social, c'est-à-dire un peu comme les impôts. Ouais. C'est un très bon exemple que vous donnez dans votre livre. Ouais. Alors, en quoi les impôts sont un dilemme social ? Parce que je crois qu'on préfère tous vivre dans un pays où les gens payent leurs impôts plutôt que dans un pays où personne ne paye les impôts. On comprend bien qu'il y a besoin des impôts pour assurer notre vie quotidienne. Mais bien sûr, on a tous la tentation de ne pas les payer, puisque le monde idéal, ce serait un monde où tout le monde paye ses impôts, sauf moi. Si l'an prochain, tout à coup, on nous disait que les impôts étaient facultatifs, que vous receviez ce que vous êtes supposé payer, mais que vous êtes libre de le payer ou non, on comprend bien que la situation se détériorerait assez vite. Et dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on donne à l'État le pouvoir de nous obliger à faire cette action qui nous conduit au monde meilleur, malgré la tentation de ne pas la faire. Même si la contrainte n'est pas toujours la solution face à des dilemmes sociaux, puisqu'un autre dilemme social, c'est le vaccin, par exemple, dont vous parlez également. C'est ça. Dans un monde où tout le monde est vacciné, eh bien, on vit mieux. Mais pour chaque personne, il y a un petit coût individuel à se faire vacciner. Ça demande toute une séquence d'actions, on n'a pas forcément le temps, on a peut-être parfois peur des piqûres. Donc peut-être que vivre dans un monde où tout le monde est vacciné sauf moi, c'est très bien parce que je n'ai pas le coût individuel et puis je suis protégé puisque tout le monde est vacciné autour de moi. Et là, c'est la même chose avec cette voiture autonome. Si toutes les voitures autour sont programmées pour protéger un maximum de gens, quitte à tuer le passager, sauf celle dans laquelle moi je me trouve, je suis très gagnant. Évidemment. Je suis dans le monde idéal pour moi, oui. Voilà, c'est ça. Alors, le fait de pouvoir reprendre votre article, cette fois-ci, vous allez être autorisé à le reproposer à Science, et cette fois-ci, il va être publié dans Science. Certainement aussi que l'engouement médiatique autour de votre recherche a contribué au fait que Science a regardé avec un meilleur œil votre travail. Oui, alors si j'étais très optimiste, je dirais que c'est les nouveaux résultats que nous avions apportés qui ont emporté la décision. Ça a dû jouer aussi, je ne peux pas être désobligeant. Mais effectivement, l'engouement médiatique a peut-être joué. Alors, il a fallu être très très prudent, cela dit, hein, parce qu'il a fallu que nous écrivions une lettre à Science en nous excusant presque d'avoir attiré autant d'intérêt médiatique, puisque ça pouvait faire du mal à la couverture médiatique une fois que l'article est sorti. Mais je crois que Science a pris le pari de publier cet article et bon, bien leur en a pris. Hein. Ouais, c'est la consécration pour un scientifique. Là, vous racontez dans votre livre, vous êtes avec vos enfants au cinéma, vous apprêtez à voir Kung Fu Panda 3 et vous apprenez, oui j'ai bien noté, et vous apprenez que vous allez être publié dans Science. Ouais. C'est une joie immense pour un scientifique. Ouais, c'est l'équivalent d'une médaille olympique, si vous voulez. Sauf que la médaille olympique, vous savez quand est-ce que vous allez la gagner. La publication dans Science, la nouvelle peut arriver à n'importe quel moment, y compris pendant Kung Fu Panda 3. Ouais. Ouais, c'est ça. À tout moment, ça peut arriver. Alors, vous décidez de ne pas vous arrêter en si bon chemin. Et c'est là que va naître l'idée de créer un site internet pour étudier les réactions des gens dans le monde entier face à des dilemmes moraux, mais bien plus nombreux. Vous allez créer la Moral Machine. Qu'est-ce donc que cette drôle de machine au nom terrible? La Moral Machine, c'était ce que nous avions imaginé parce que nous étions face à un problème qui était inédit pour nous et puis pour les sciences sociales peut-être. c'est que nous voulions faire, un peu comme on l'a entendu dans l'extrait sonore, nous voulions faire des variantes de ce dilemme du tramway, en décrivant plus précisément chaque victime potentielle dans le groupe de 1, dans le groupe de 5, en faisant varier des tonnes de paramètres, sauf que nous sommes arrivés à avoir des millions de possibilités. Mmh. Et évidemment, pour un psychologue ou un sociologue ou quelqu'un en sciences sociales, c'est pas évident de faire une enquête quand on a un million de questions. Oui, alors très concrètement, hein, c'est-à-dire que vous décidez d'explorer 9 dimensions avec la morale machine. Mmh. Quels sont les points que vous voulez tester ? Alors, nous voulions bien sûr tester l'effet du nombre pour savoir si les gens souhaitaient sauver le plus grand nombre de vies. Ouais. C'était notre question de départ. Ce qui paraît le plus logique, hein, a priori, on imagine que le plus grand nombre sera toujours privilégié. Souvent, mais ouais. Pas toujours, parce que par exemple, nous décidons aussi d'introduire l'âge des victimes en introduisant des bébés, des enfants, des femmes enceintes aussi, parce que nous avions cette intuition que peut-être la vie des enfants aurait une valeur particulière aux yeux des gens. Et puis alors nous introduisons aussi des choses qui sont beaucoup plus délicates, comme par exemple un personnage sans abri ou des personnages en surpoids, des choses qu'on nous a énormément reprochées. C'est-à-dire, pour être très concret, c'est-à-dire que la Moral Machine, c'est un site internet où on va mettre l'internaute face à des cas très concrets avec un petit graphisme, avec des gens qui traversent soit sur les clous, soit en dehors des clous, qui peuvent être une femme enceinte, qui peuvent être un enfant, qui peuvent être un sans-abri, qui peuvent être un cadre supérieur, et vous vous retrouvez dans une voiture dont, par exemple, les freins ont lâché, et il faut choisir sur qui on fonce. C'est exactement ça. Cruel dilemme. Ça. Il faut choisir ce que la voiture devrait faire, quel groupe elle devrait sacrifier. Vous dites, ça vous a été reproché d'avoir mis dans ces simulations des sans-abri, des personnes obèses ou des personnes athlétiques. Pourquoi avoir mis ça comme critère? Surtout qu'une voiture autonome, avant qu'elle puisse identifier un cadre supérieur et un sans-abri, c'est vraiment purement théorique. Là. Complètement, ça n'avait aucune pertinence technologique. Notre intention, c'était de nous garder d'une interprétation potentielle de notre projet, qui aurait été de vouloir dicter au gouvernement des décisions politiques sur la base des votes récoltés dans Moral Machine. Et comme nous voulions avoir un très bon exemple de pourquoi ça ne serait pas une bonne idée d'appliquer aveuglément les préférences exprimées dans Moral Machine, nous avions introduit ce personnage de sans-abri, parce que l'humanité étant ce qu'elle est, nous avions l'intuition que le sans-abri serait souvent sacrifié dans les réponses des gens. Mmh. Et nous voulons pouvoir dire, regardez, suivre aveuglément les préférences des gens, ça peut amener à des choses inacceptables. Mmh. Évidemment, on ne pouvait pas expliquer ça pendant que Moral Machine collectait les données. Parce que ce site internet a été mis en ligne pendant plus d'un an. Vous étiez les chercheurs, vous ne pouviez plus intervenir dans l'expérience, vous l'avez mis en fait à disposition du grand public. Vous avez traduit en 10 langues pour que le plus de personnes dans le monde entier puissent participer à l'expérience. Mais les gens choqués qui se demandaient pourquoi il y a des personnes obèses, pourquoi il y a des sans-abri, c'est quoi ces choix qu'on nous demande de faire, vous pouviez pas, ça aurait biaisé l'expérience que d'expliquer justement, on veut montrer que ça peut aboutir à des conclusions absurdes, voire abjectes. Exactement, on ne pouvait pas dire aux gens, nous avons introduit ces personnages-là précisément pour montrer que vous avez des préférences inacceptables. Ouais. Ça aurait complètement biaisé les choses. Donc nous avions été obligés de nous murer dans le silence alors que la grogne montait autour de Moral Machine. Alors vous aviez prévu à votre coup, hein, vous avez fait ça de façon, avec un certain don pour le marketing, puisque vous avez synchronisé la mise en ligne de la Moral Machine avec la parution de votre article dans la revue Science, ce qui fait que ça a bénéficié de ce levier pour faire venir les internautes. L'engouement a été très loin, même au-delà de ce que vous aviez espéré. Vous allez nous raconter dans un instant, Jean-François Bonnefond, ce que la gigantesque base de données que vous avez ainsi constituée a révélé des choix moraux et éthiques selon les pays et les cultures. La vache! Michael, qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai projeté le dilemme du tramway dans la réalité, afin de voir si les règles d'éthique s'appliquent concrètement. Il y a 5 ouvriers en face de nous, et 1 sur le côté. Et voici le levier qui permet de changer de voie. Voilà, à vous de jouer. Oui, mais le problème d'un point de vue éthique... Non, on n'a pas le temps, on prend une décision! C'est loin d'être évident! Mais si on s'inscrit dans une démarche purement utilitariste, alors il est formidable. Une fois de plus, ce n'était qu'une simulation. Ça ne se passerait jamais comme ça dans la vie réelle. Cela va de soi. It's all very fine, but I can't see. Inter. Du vent dans les synapses. Drive my car, c'était les Beatles, bien sûr. Donc nous avons 5 enfants, je présume, et 5 personnes âgées. Alors moi déjà, de base, les personnes âgées ont traversé alors qu'il fallait pas. Donc déjà pour moi, ça c'est une faute. Et puis de deux, je vais être méchant, mais bon, les personnes âgées, ils sont quand même plus proches de la mort que les occupants de cette voiture qui sont relativement jeunes. Donc je vais quand même choisir qu'il faut foncer sur les personnes âgées. Je sais que ça se fait pas. Alors là, il y a 5 personnes dans la voiture contre une personne. Je pense que là, le choix il se pose même pas, tu vois. Même si c'est un membre de ta famille, il faut privilégier les 5 personnes qui sont dans la voiture. Et puis en plus, il a traversé alors qu'il fallait pas. Michel, il va au travail, il a même pas fait gaffe, je suis sûr, il a des écouteurs. Faut pas écouter de la musique quand on approche des intersections, ça peut être dangereux. Et ben là, je suis désolé, mais Michel, je te sauve pas. Voilà. Crache plus par terre, je traite plus les mers, je traverse tout. Je ne pense pas, et j'espère surtout ne pas avoir à faire ce choix, parce que c'est le choix le plus horrible du monde, choisir qui tuer. Moi, je ne serai pas bourreau. Un youtubeur répondant aux affreux dilemmes soumis aux internautes par votre moral machine, Jean-François Bonnefond. Vos questions avaient vraiment de quoi mettre dans un profond malaise, un profond inconfort. En tout cas, difficile vraiment de décider, on va tuer 5 personnes âgées plutôt que 3 enfants. C'est des questions insolubles presque. C'est vrai, puis c'est ce que les gens me disent en général, quand les gens me parlent de moral machine et de ce qu'ils ont ressenti en essayant moral machine, c'est toujours cette idée qu'ils ont commencé avec peut-être quelques règles simples en tête sur la façon dont ils allaient décider, et puis après 3, 4, 5 scénarios, tout à coup, la gêne s'installe. Ce qu'il faut bien dire, c'est que ces scénarios, si j'ai bien compris, étaient composés aléatoirement, c'est-à-dire que tous les internautes n'étaient pas confrontés au même dilemme, la machine fabriquait des scénarios au fur et à mesure qu'on se connectait. Oui, en fait, il est quasiment impossible de tomber deux fois sur le même, parce que la base de données contient 26 millions de scénarios, je pense. Donc vous pouvez continuer, et il y en aura toujours de nouveaux. Je crois que le record a été qu'une personne a fait plus de 1000 scénarios. Ouais. Alors il y a eu un vrai effet viral, un vrai engouement autour de cette machine. Effet viral, c'est une sorte de bouche à oreille. On entendait ce youtubeur qui se filme en train de répondre. Ça a évidemment incité sa communauté à en faire autant. Vous souhaitiez que ce questionnaire ait un aspect ludique pour récolter un maximum de réponses et constituer cette base de données gigantesque. C'est ça, pour pouvoir traiter la complexité de ce que nous étions en train d'étudier, il nous fallait des millions de gens. Alors ça a l'air un peu ambitieux de dire « Oh, on va faire une expérience et on va avoir des millions de gens qui vont venir la passer ». Mais on a eu beaucoup de chance et beaucoup de coups de pouce de youtubeurs et ça s'est bien passé. Ça a marché. Alors vous l'aviez aussi traduit en 10 langues pour que beaucoup de pays puissent participer. Au final, combien de réponses avez-vous obtenues? Alors, à l'heure actuelle, aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près à 100 millions de réponses, mais en 2018... Donc quand après un an et demi de tests. Après un an et demi de tests, nous avions atteint la barre des 40 millions de réponses, et c'est là que nous avons décidé d'analyser ces premiers 40 millions de réponses et de publier les résultats. Alors, quel était le profil des gens qui ont répondu? Parce que là, on n'est pas dans le système d'échantillonnage classique où on choisit son échantillon pour être représentatif. Là, c'est qui veut vient participer à l'expérience, donc on n'a pas forcément un échantillon représentatif. Absolument, c'était un des problèmes que nous avions à résoudre. Nous n'avons pas en plus souvent les informations sur qui sont ces gens, puisque les gens se connectent à Moral Machine, ils n'ont pas forcément envie de nous dire leur âge, leur profession, leur sexe. Ils pouvaient le faire, certains l'ont fait d'ailleurs. Certains l'ont fait, donc 10% des gens à peu près. Donc il y a beaucoup d'hommes, enfin 70% d'hommes peut-être, des gens un peu plus jeunes que la moyenne, des gens un peu plus éduqués que la moyenne. À l'arrivée, ce qui nous a beaucoup rassurés, c'est qu'en utilisant toutes les méthodes mathématiques qu'on peut utiliser pour essayer de corriger ces biais-là, on s'est rendu compte que le fait de ne pas avoir d'échantillons représentatifs n'était pas un tel problème pour nos résultats. Et alors, quelles sont les grandes conclusions de votre étude ? Alors, globalement, au niveau mondial, les trois grandes préférences que manifestaient les gens, c'était sauver les humains plutôt que les animaux. Oui, parce qu'on pouvait aussi avoir parfois à choisir entre un homme ou un animal. Oui, il y avait beaucoup de scénarios qui demandaient de choisir entre sauver des humains ou des animaux, ce qui n'était pas, disons scientifiquement, la question la plus importante peut-être, mais qui était une question un peu de viralité du site aussi. Parce que sur Internet, pour être beaucoup partagé, il faut montrer des chiens et des chats. Ah oui, vous avez vraiment une approche marketing pour attirer vos cobayes en quelque sorte. Donc les humains sont privilégiés, on préfère sauver un humain qu'un chien par exemple. Tout à fait. Et puis le nombre se confirmait comme étant un paramètre très important, sauver plus de monde plutôt que peu. Et puis, à peu près avec la même importance que le nombre, est sorti l'effet de l'âge, c'est-à-dire sauver les enfants en priorité. On préfère sauver les bébés, ensuite la petite fille, le petit garçon, puis la femme enceinte. Oui, on sent bien qu'il y a un thème là. Ouais. Mais alors cet ordre, on le retrouve quel que soit le pays, quelle que soit la culture ? Alors cet ordre très spécifique, peut-être qu'il y a des petites variations, mais en tout cas, la préférence pour sauver les plus jeunes, on la retrouve dans tous les pays du monde, avec une intensité différente selon les régions du globe, mais elle est présente dans le monde entier, oui. Donc on a un peu les mêmes règles de morale, mais comme vous le dites, c'est l'intensité, c'est-à-dire que la proportion de gens qui vont privilégier par exemple les femmes enceintes n'est pas exactement la même, mais globalement dans toutes les cultures et un peu partout dans le monde, les femmes enceintes ont ce statut à part qu'il faut les protéger. C'est ça. Les femmes aussi d'ailleurs, même quand elles ne sont pas enceintes. Mais oui, les enfants, les femmes enceintes, les femmes, là, vont être toujours sauvées un petit peu de préférence aux gens plus âgés ou aux hommes. Mais par exemple, dans les pays asiatiques, on va observer que le fait de sacrifier les personnes âgées pour sauver les plus jeunes est moins fréquent, même s'il est toujours l'option préférée, que dans les pays occidentaux. Donc vous observez quand même des différences culturelles et vous identifiez trois grandes zones différentes dans les grandes lignes. C'est quoi ces zones morales qui se répartissent à la surface du globe ? Ce qui est important, c'est de bien comprendre que quand nous faisons ce travail de regroupement de pays en blocs moraux, notre algorithme ne connaît pas leur position géographique. Il ne connaît que les réponses des gens. Et pourtant, quand l'algorithme donne ses résultats, nous voyons tout de suite que les regroupements sont essentiellement géographiques et culturels. Donc nous avons trois blocs. Le premier bloc qui est le monde occidental, ou l'Occident global, comme on pourrait dire, qui inclut des pays comme l'Australie ou l'Afrique du Sud. Un deuxième bloc qui contient l'Asie et les pays musulmans. Et puis un troisième bloc qui contient lui plutôt des pays de l'hémisphère sud et en particulier toute l'Amérique du Sud. Et vous arrivez à expliquer les différences observées entre ces différents blocs géographiques ? Alors, expliquer, c'est difficile parce que la causalité est difficile à établir, mais en tout cas, nous pouvons observer des associations entre les réponses, les préférences d'un pays à un autre et puis des variables socio-économiques entre les pays. Par exemple, le fait de sacrifier les personnes sans abri dans Moral Machine semble largement associé avec le degré d'inégalité économique qui existe dans un pays. Donc plus il y a d'inégalité économique dans un pays, plus les gens sacrifient le sans-abri, un peu comme s'ils avaient intériorisé ces inégalités-là et qu'ils les expriment maintenant dans Moral Machine. Oui, moins tragique, vous observez aussi que les pays où on enfreint plus facilement les règles, où on n'est pas forcément puni quand on traverse en dehors des clous, on n'est pas enclin à renverser préférentiellement celui qui a traversé en dehors des clous. Alors qu'il y a certains pays où celui qui n'était pas dans les clous, on va plus facilement diriger la voiture contre lui parce qu'on considère qu'il l'a bien cherché finalement. Exactement. Le Japon par exemple, qui est un pays où les règles sont très importantes, eh bien les réponses des Japonais ne sont pas très indulgentes avec les gens qui traversent hors des clous ou quand le feu est rouge pour eux dans Moral Machine. Dans d'autres pays que je ne vais pas nommer, les gens sont beaucoup plus indulgents probablement parce qu'ils sont témoins de ça tous D'accord. les jours. On se situe comment en France sur ce terrain-là ? Vous me posez une sacrée colle. Oui, ça vous permet de pas vous mouiller en même temps. Après un suspense insoutenable, cette fois-ci, vous allez proposer votre article à la revue Nature, qui est la revue scientifique par excellence. Hein. Et Nature, alors on va vous faire un peu lanterner, mais va sélectionner votre article et le publier. Deuxième médaille d'or olympique. Oui, la pression était forte, hein, parce que après avoir publié le premier article dans Science, si vous voulez, il nous fallait une sensation encore plus forte. Donc, on n'avait pas beaucoup le choix, c'était forcément Nature. Et bien sûr, publier dans Nature, c'est une consécration. Mais sur ce projet-là, je crois que tous nous avions la certitude que si nous publions un papier dans Nature dans notre vie, ça serait celui-là. Ce serait celui-là. L'article n'est pas passé inaperçu. Vous avez essuyé certaines critiques. Qu'est-ce qu'on reproche à votre travail ? La critique que j'entends la plus souvent, c'est de nous prêter l'intention d'avoir voulu lier les mains au gouvernement, ou d'avoir voulu substituer à la réflexion politique ou éthique une sorte de vote organisé sur Internet. Imposer une sorte de morale mondiale à laquelle il faudrait se soumettre et il faudrait paramétrer les voitures autonomes de demain selon les critères que vous aviez établis avec votre machine. C'est ça. Et ce n'est pas le cas. C'est pas ce que vous vouliez faire. Et ça me rend toujours un peu triste quand j'entends cette critique, parce que vous savez, un article dans Nature, c'est très court. On a que quelques pages. Donc à chaque fois qu'on dit quelque chose, il y a une chose qu'on peut pas dire. Et ça, le fait de dire que ça n'était pas notre intention, je crois que nous l'avons écrit 3 fois dans l'article, tellement ça nous paraissait important. Et donc c'est toujours dommage de voir que les gens n'ont pas entendu ce qu'on disait. Alors c'est peut-être l'occasion de le redire. C'était quoi votre intention, si ce n'est pas d'aider à la programmation de ces machines plus tard ? Alors, dans Moral Machine, il y a tout l'aspect psychologique, psychologie morale, culturelle, qui nous intéressait, bien sûr. Mais pour ce qui est de l'application aux voitures sans conducteur elles-mêmes, notre intention, ça n'était pas de dicter au gouvernement ce qu'il devait faire, mais plutôt de les prévenir. Faites ce qui vous semble juste, prenez les décisions qui vous semblent les meilleures, mais connaissez l'état de votre opinion de façon à anticiper les points qu'il faudra expliquer avec beaucoup de clarté à la population, parce qu'ils vont contre les préférences de cette population. Et puis aussi, bien sûr, pour le jour où un accident tragique se produit qui va choquer l'opinion, et nous le savons grâce aux réponses à Moral Machine, ayez un plan ce jour-là prêt pour réexpliquer vos décisions à la population. Oui, parce que pendant que l'on travaille à la façon la plus morale de programmer ces voitures, des tests sont déjà en cours sur les routes et il y a malheureusement déjà eu des accidents mortels, comme ici en mars 2018. Dimanche, vers 22h, une femme de 49 ans traverse la route en dehors des clous à Tempe, dans la banlieue de Phoenix, grande ville de l'Ouest américain. C'est là qu'elle est percutée par le véhicule autonome testé par Uber. La victime succombe un peu plus tard à ses blessures à l'hôpital. Le patron d'Uber, Dara Khosrowshahi, a adressé ses condoléances à la famille de la victime. Il assure que le groupe collabore pleinement avec les autorités. Les tests à San Francisco, Phoenix, Toronto et Pittsburgh ont tous été suspendus. Ils avaient commencé à Phoenix en février 2017, en partie parce que la firme installée en Californie trouvait la réglementation locale trop contraignante. Avant l'accident, Uber ambitionnait de lancer ses premiers véhicules autonomes dès 2019. Et les conclusions de l'enquête au sujet de cet accident viennent d'être rendues publiques, Jean-François Bonnefond. Alors, elles sont un peu compliquées, mais déjà, il y avait un aspect, c'est que manifestement, la machine n'était pas programmée pour reconnaître un piéton hors des clous. Ouais, ça c'est une des choses qui est très difficile à comprendre intuitivement à propos de l'intelligence artificielle ou des voitures sans conducteur, c'est qu'elle ne voit vraiment pas le monde comme nous. Ouais. Pour nous, ça nous semble évident que si on est capable de reconnaître un piéton sur un passage clouté, on est capable de le reconnaître ailleurs. Et c'est parfois difficile de réaliser que pour les machines, quelque chose d'aussi simple devient très compliqué. Alors pour les promoteurs de la voiture autonome, il ne fait aucun doute, en tout cas pour certains, qu'elle sera beaucoup plus sûre. On avance parfois des chiffres assez audacieux, 90% d'accidents évités grâce à ces voitures. Est-ce qu'on est certain que ces voitures sont à ce point plus sûres ? Non, on n'est pas certain du tout. Et là, c'est une situation qui est très compliqué encore une fois, parce que apporter la preuve statistique qu'une voiture sans conducteur est plus sûre qu'une voiture conduite par un humain, ça demanderait d'observer beaucoup de voitures sans conducteur sur les routes pendant très longtemps. Autrement dit, il faudrait qu'elles soient déjà très nombreuses. On saura que si on fait. C'est un peu ce que vous nous dites. C'est à l'heure actuelle, oui, on est un peu face à ce dilemme qui est que pour être sûr qu'elles sont plus sûres, bah, il faudrait les observer en très grand nombre sur les routes, mais on n'a pas envie de les observer en très grand nombre sur les routes avant d'être sûr qu'elles sont plus sûres. Voilà, c'est un dilemme et un paradoxe. Et est-ce que nous sommes prêts ? Ça aussi, c'est une question qui vous a intéressé du point de vue psychologique. Là, on n'est plus dans la technologie, on est dans le psychologique. Est-ce que nous sommes prêts à acheter une voiture qui a juste 10% d'accidents en moins qu'une voiture classique avec conducteur ? Oui, disons, pour simplifier, une voiture qui serait 10% plus sûre que le conducteur moyen. Mmh. Hein, est-ce que nous y sommes prêts? Bah, pas forcément. Imaginez, moi, je conduis très mal. Mais peut-être que vous, vous conduisez très bien. Peut-être que vous êtes parmi les 10% des meilleurs conducteurs. Vous êtes 90% plus sûr que le conducteur moyen. Je tomberai pas dans le panneau, parce qu'effectivement, vous dites que dans votre livre, 80% des personnes interrogées considèrent qu'elles sont au-dessus de la moyenne et qu'elles sont meilleures conducteurs. Autrement dit, beaucoup de gens se leurrent sur leur conduite. Mais si on leur dit cette voiture a 10% de chance de faire moins d'accidents, la plupart des gens vont se dire « bon, moi je fais mieux que la machine parce que je suis un bon conducteur ». Exactement, la majorité des gens s'imaginent être dans le top 20% des conducteurs. Et donc si on leur dit que la voiture sans conducteur est un peu plus sûre que le conducteur moyen, eh ben, ça ne les intéresse pas. Mais le problème, c'est que très probablement, parmi ces gens, il y en a beaucoup qui se surestiment. Alors en réalité, ces voitures sans conducteur seront très rarement confrontées au dilemme que vous avez mis en scène dans les scénarios de la morale machine. Ce sont avant tout, et vous l'expliquez dans votre livre, des probabilités de risque que ces voitures vont devoir arbitrer. Absolument. Il faut se rendre compte que le problème qui va se poser à ces voitures, ça n'est pas tellement est-ce qu'à une seconde donnée je vais tuer une personne ou cinq, ou est-ce qu'à une seconde donnée je vais tuer un cycliste ou un piéton. C'est plutôt à chaque instant, à chaque déplacement, je me rapproche un peu d'un cycliste ou bien je me rapproche un peu d'un piéton, je donne un peu plus de sécurité à un cycliste ou bien je donne de plus en plus de sécurité à un piéton. Et donc, selon la façon dont on programme les voitures pour donner cette sécurité différente à différents usages de la route, eh bien on va modifier les profils d'accidentologie, on va modifier les statistiques à la fin de l'année. C'est en quelque sorte le problème du tramway statistique. Oui, mais alors c'est presque terrifiant. Alors là, on se projette vraiment dans un futur hypothétique, en tout cas dans quelque chose qui s'apparente à de la science-fiction, mais on imagine des millions, voire des milliards de voitures autonomes sur les routes, et on peut jouer comme ça sur la programmation et tout d'un coup dire on double un cycliste à 50 cm ou on double les cyclistes à 1 mètre. Et selon ce paramétrage, à la fin de l'année, on a le nombre de cyclistes qui baisse ou qui augmente. C'est ça, et c'est vertigineux. Hein. Pouvoir modifier la calibration des voitures sans conducteur et de modifier les statistiques d'accident, c'est un pouvoir qu'il va falloir exercer avec responsabilité. Ouais, ça pose vraiment de nombreuses questions. Est-ce que vous êtes certain, au fond, est-ce que vous êtes certain que les voitures autonomes déferleront un jour sur nos routes, Jean-François Bonnefond ? Déferleront, écoutez, même si on imaginait qu'à partir de demain, chaque personne qui remplace la voiture, la remplace par une voiture autonome, il faudrait peut-être 30 ans pour renouveler le parc. Donc, le déferlement, il est vraiment pas pour maintenant. Alors, il y a cette question-là, il y a aussi la question, est-ce que technologiquement, on y arrivera ? Parce que certains en doutent, hein, certains disent c'est trop compliqué de faire des machines entièrement autonomes dans les conditions des routes, en pleine ville. Alors, c'est vrai que les voitures autonomes, souvent, sont testées dans des conditions très favorables. L'Arizona, c'est pas un hasard, mais un terrain de jeu extrêmement fréquent, parce que bah, le climat est très stable, hein, les routes sont droites. Mais est-ce qu'on y arrivera ? Bah, écoutez, il y a une semaine, Google a lancé son premier service à destination des particuliers de taxis sans chauffeur. C'est-à-dire que vous appelez votre voiture avec votre téléphone et elle vient se garer devant vous, complètement vide. Et elle vous amène à destination alors qu'il n'y a pas de chauffeur dedans. Donc, je crois qu'en fait, on y est. Hein. On n'a pas fini de parler de la morale des machines. Merci Jean-François Bonnefond. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La voiture qui en savait trop, l'intelligence artificielle a-t-elle une morale ? Un grand merci à vous et bon retour à Toulouse. Merci. En deuxième heure, nous partirons pour un voyage cosmique avec l'astrophysicien Hubert Reeves. Et dans un instant, ce sera la revue d'actu de la semaine. She's thinking about something we all need. Clock's ticking, not giving her room to breathe, to breathe. Love's screaming. Love's missing. C'était Love Missing, Iggy Pop. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Et pour passer en revue l'actualité scientifique de la semaine, autour de la table, une nouvelle venue, Mathilde Fontaise de Science et Vie, et une habituée, Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. J'aimerais juste ajouter mon but personnel qui est que cet engin spatial dure 50 ans. Nous l'avons lancé en 1977 et si l'on arrive à 2027, cela représenterait une mission d'un demi-siècle. Ça serait fantastique. Et cet engin spatial dont parle cette chercheuse de la NASA, c'est Voyager 2, cette sonde qui est sortie de notre système solaire et qui est en train de nous envoyer des cartes postales, Mathilde Fontaise. Oui, Voyager 2 est l'une des sondes spatiales les plus emblématiques de l'histoire de l'exploration spatiale. Elle a été envoyée à l'été 1977, en même temps que sa jumelle, pratiquement Voyager 1. Et les deux sondes ont visité en une dizaine d'années toutes les planètes du système solaire, à part bien sûr celles qui sont entre la Terre et le Soleil. Donc ces deux sondes ont vu Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et c'était à l'époque la première fois qu'on voyait ces planètes, que l'on pouvait les étudier. Ça a été en quelque sorte la naissance de la planétologie. Elles ont continué de voguer à travers l'espace ensuite, ces sondes ? Elles ont continué de voguer à travers l'espace ensuite, jusqu'à même sortir du système solaire en 2012 pour Voyager 1 et en 2018 pour Voyager 2. Et aujourd'hui, Voyager 2 nous livre ses analyses du milieu interstellaire. Ça y est, elle est sortie du système solaire. Elle est sortie du système solaire, donc cela avait été annoncé en 2018 au moment même de sa sortie. Mais là, pour la première fois, sont publiées les études précises de ces analyses hors du système solaire, c'est-à-dire en dehors de notre bulle solaire. Donc c'est la première fois finalement qu'on peut tâter, qu'on peut sentir cet espace qui est en dehors de notre petit monde à nous du système solaire. Mais Voyager 1 était déjà sorti, elle. Oui, Voyager 1 était déjà sorti en 2012, mais Voyager 1 malheureusement était abîmé. Ce sont de vieilles machines et Voyager 1 n'avait plus notamment son capteur de plasma depuis les années 80. Et donc, elle ne pouvait pas vraiment prélever, enfin, sentir, analyser ce milieu interstellaire. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre grâce à Voyager 2 et à ces messages qu'elle nous envoie du milieu interstellaire ? Alors d'abord, les mesures de Voyager 2 confirment que nous sommes bien sortis du système solaire, c'est-à-dire de la bulle de plasma solaire, du halo de particules envoyé par le Soleil. L'influence gravitationnelle du Soleil se fait sentir bien au-delà, jusqu'au nuage d'Oort. Alors c'est toujours difficile de se rendre compte de ces échelles astronomiques, mais Voyager 2 est situé à seulement 122 unités astronomiques, c'est-à-dire 122 fois la distance entre la Terre et le Soleil, tandis que le nuage d'Oort est situé à 20 000 unités astronomiques, donc c'est 200 fois plus. Mais on voit la confirmation aujourd'hui que c'est au niveau de Voyager 2 que la bulle solaire, l'héliosphère, on l'appelle, s'arrête. C'est-à-dire que c'est précisément à 119 unités astronomiques, là où elle était le 5 novembre 2018. C'est ce jour précis, à ce jour précis qu'elle est arrivée dans l'espace interstellaire ? Oui, c'est ce jour précis, d'autant plus que c'est vraiment l'un des résultats des analyses qui sont parues cette semaine. La sonde a franchi la limite de l'héliosphère, la limite de la bulle en une seule journée. En fait, la frontière apparaît très fine dans les données de Voyager 2, beaucoup plus fine qu'attendue. Et en dehors de la bulle, la sonde a mesuré des champs magnétiques plus puissants et un milieu plus chaud et plus variable que ne le prédisaient les modèles. Il semble y avoir un fort champ magnétique interstellaire, en fait. Mmh. À la place du vide intersidéral, ce qu'on appelle le vide intersidéral, c'est finalement un milieu assez dense que Voyager 2 a découvert, entre 20 et 50 fois plus que le milieu solaire. Donc c'est plus dense à l'extérieur de notre système solaire finalement qu'à l'intérieur. Et puis c'est chaud. Il y règne une température de 30 000 à 50 000 degrés, alors que les modèles prédisaient deux fois moins. Ça remet en question notre conception du milieu interstellaire du coup ? Alors cela ne la remet pas vraiment complètement en question, mais cela l'affine et surtout cela la conforte pour la première fois à des données expérimentales. Parce que les mesures effectuées par les télescopes, il y en a eu bien sûr, à distance, ne donnaient pas du tout accès à de telles données. On ne peut pas par exemple mesurer un champ magnétique à distance ou alors de manière très très indirecte. Pour la première fois, on commence vraiment à voir ce qu'il y a en dehors de notre monde, et les données vont être exploitées dans de nombreux domaines, ensuite de l'astrophysique. On peut imaginer qu'elles vont permettre de comprendre les bulles des autres étoiles, en fait, les autres étoiles que notre Soleil. Elles vont permettre de comprendre même de manière plus large les émanations d'étoiles du type des jets des pulsars, par exemple, ce genre de choses. Et elles vont peut-être pouvoir affiner aussi cette notion de zone habitable autour des étoiles lointaines. On a découvert des exoplanètes autour d'autres étoiles et on suppose que ces exoplanètes peuvent, à certains moments, être dans un environnement qui permet l'existence d'eau liquide à leur surface, qui nous intéresse d'un point de vue de l'exobiologie aussi. Et Voyager 2 pourra envoyer de nouvelles données ? Oui, jusqu'à ce qu'elles s'éteignent, faute de carburant, puisqu'en fait, elle n'est pas éternelle. Ces sondes devaient durer au départ, on l'a entendu dans l'enregistrement, il y avait des espoirs de les faire durer plus, mais au départ, ces sondes devaient durer seulement 5 ans. Ouais. Alors, ça fait 42 ans, elles sont encore en vie, et à chaque fois, la NASA a procédé à des ajustements techniques pour essayer de prolonger leur vie. Ça a été le cas en septembre dernier. La NASA a pris la décision de désactiver le chauffage du système de mesure de rayons cosmiques de Voyager 2 pour économiser des watts. Et même en éteignant progressivement tous les instruments de Voyager 2, les ingénieurs évaluent qu'ils ne pourront pas la faire durer au-delà de 2025. Donc il y aura de nouvelles analyses, évidemment. Plus Voyager s'éloigne, plus les données vont être intéressantes. Mais ça va se finir à un moment. Allez, retour sur Terre. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Gauche, gauche. D'autres peuvent se vanter d'avoir su marcher avant nous dans la grande famille des hominidés qui compte désormais un nouveau membre. Il s'appelle Danuvius Guggenmosi et il vivait il y a un peu plus de 11 millions d'années en Bavière. C'était un singe bipède, Sophie Becherel. Oui, je ne sais pas si il avait eu connaissance de cette consigne, un pas devant l'autre. Toujours est-il que ce singe vivait au Miocène et à la faveur d'un climat tropical, on peut dire que la faune à l'époque était d'une grande diversité et qu'il y avait pas mal de grands singes en Europe notamment. À la faveur d'un refroidissement, ces singes ont d'ailleurs disparu il y a 8 millions d'années. Mais donc à peu près à l'époque où on pense que chez les hominidés, les singes et les hommes ont divergé chacun vers leur lignée. Alors Danuvius n'est pas le premier découvert, mais il est intéressant car il pose la question de la locomotion. On commence par faire son portrait à partir des fossiles mis au jour par cette équipe internationale emmenée par Madeleine Baumeux. 4 individus, une femelle, 2 mâles et un juvénile. Alors ces os nous disent qu'il avait un thorax large, une colonne vertébrale et des bras longs. Il est plus petit qu'un bonobo, à peu près 14 kg pour la femelle, 30 pour le mâle, et donc plus intéressant sa démarche, car les chercheurs ont trouvé un gros orteil, un tibia, une rotule, un morceau de hanche, des vertèbres, tout ça leur fait dire que ce singe du Miocène posait son pied à plat, le genou plutôt déplié. En somme, il se tenait debout et marchait dans cette position verticale. Mais on a le sentiment que le chimpanzé ou l'orang-outan se tiennent comme ça aujourd'hui. Oui, ils ont la capacité, c'est vrai, de se redresser. Mais là, on parle de marche de bipédie, c'est une nouveauté. Et ce grand singe était bipède arboricole. Ça ne veut pas dire qu'il marchait donc sur le sol, mais qu'il marchait sur les branches d'arbres, son milieu, parce qu'à l'époque, c'était un couvert forestier. Un peu comme nous le ferions aujourd'hui, en nous tenant évidemment à des branches un petit peu au-dessus de nos bras. Donc lui, il avait également la faculté de grimper aux arbres. Donc il ne fait pas comme les grands singes actuels d'Afrique, il ne fait pas non plus tout à fait comme l'orang-outan, mais il s'en rapproche. Et les longs bras de l'orang-outan ou du gibbon qui leur servent à se suspendre aux arbres, lui, les avait tout de même. Mais ses membres postérieurs vraiment ressemblent aux nôtres, aux genre homo. Il avait sa façon de marcher. Et donc cette locomotion mixte rebattrait les cartes ? Oui, car toute la question chez les paléontologues, c'est de savoir si nos ancêtres se sont redressés parce que le paysage changeait. C'est ce qu'on dit de Lucie, cette australopithèque découverte au Kenya. On dit que le passage d'un paysage de forêt à une savane l'a amené à se redresser pour pouvoir voir au-dessus des herbes hautes. Deuxième hypothèse, nos ancêtres ont-ils acquis la posture verticale en marchant d'abord dans les arbres et puis en descendant de ces arbres et ensuite en adaptant cette marche au sol. C'est cette deuxième hypothèse qui a la faveur de ces chercheurs qui publient dans Nature. Pour eux, Danuvius apporte la preuve que le bipédisme des hominines a évolué à partir de cette bipédie arboricole au Miocène moyen en Europe. Et en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des fourmis dans un bunker. Mathilde Fontaise, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, c'est une histoire très étonnante. Une colonie de fourmis découverte en 2013 dans un ancien bunker soviétique abandonné dans une forêt de Pologne. Donc ça commence pas mal. Ouais. Elle a été étudiée, cette colonie de fourmis, par une équipe de spécialistes depuis sa découverte et ils produisent aujourd'hui la synthèse de leurs résultats. Il y avait des mystères, évidemment. D'abord, cette fourmilière ne comprenait que des ouvrières. Donc première anomalie, aucune reine avec elle. Or, sans reine, pas de descendance. Et ensuite, on se demandait bien évidemment comment les fourmis réussissaient à survivre sans aucune ressource pendant tout ce temps. Donc les chercheurs ont étudié tout ça et finalement sont revenus avec plusieurs conclusions. D'abord, En fait, cette colonie apparaît comme une colonie secondaire. Les chercheurs ont trouvé au-dessus du bunker une colonie principale, normale, celle-ci avec une reine. Ils se sont aperçus qu'en fait, les ouvrières de cette colonie ne cessaient finalement de tomber par une bouche d'aération dans le bunker. Et ce serait l'arrivée comme ça de fourmis égarées qui auraient entretenu la population de cette colonie secondaire uniquement en ouvrières. Et ensuite, à la question de savoir comment est-ce que ces fourmis se seraient nourries, eh bien tout simplement, elles auraient pratiqué le cannibalisme. Ouais. En fait, pour prouver ça, les chercheurs ont ramassé les cadavres de fourmis au fond du bunker et ont étudié à la loupe leur anatomie pour se rendre compte que 93% d'entre eux avaient présenté des traces de morsures et avaient été en partie grignotés par leurs congénères. Donc c'est quelque chose qu'on observe chez les fourmis, mais seulement dans des cas particuliers, de ce qu'on appelle les guerres de fourmis qui ont lieu au moment de l'année où l'environnement manque de protéines pour les nourrir, au printemps typiquement. Et on avait rarement observé comme ça des comportements cannibales chez les fourmis. Les fourmis cannibales du bunker. Terrible histoire. Sophie Bécherel, une question qui ne prête pas à conséquence. Pourquoi la glace est-elle si glissante? Mais oui, c'est une question pour tous les champions de patins, dont je suis sûre vous faites partie. Oh ben, oui, ou de ski, large, d'ailleurs. Pour le ski, on en était resté au fait que sous l'effet du frottement, les spatules font fondre une mince couche de glace qui se transforme alors en eau. Et c'est sur cette eau que surfe le ski. Sauf que l'eau, ça n'est pas un super lubrifiant. Sinon, c'est pas de l'huile qu'on mettrait dans les moteurs ou de la graisse sur notre chaîne à vélo. Donc, des chercheurs du CNRS et du laboratoire de physique statistiques de l'école normale supérieure se sont dit, il doit y avoir autre chose et ils ont voulu en savoir plus. Ils ont imaginé qu'une couche nanométrique d'atomes libres constituait une espèce de tapis de billes entre le patin à glace et la glace. Et pour vérifier cette hypothèse, ils ont bricolé un dispositif extrêmement complexe pour voir à une toute petite échelle donc ce qui se passait là. Et alors, surprise, la très fine couche est visqueuse, autant que l'huile. Et ses propriétés visco-élastiques sont complexes. En fait, les scientifiques pensent que le patin, en frottant la glace, crée des micro-débris qui ressemblent aux granités que l'on boit en été. Vous savez, ce mélange d'eau et de glace pilée. Bon, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir mieux conseiller Martin Fourcade et les services de l'État quand ils doivent saler les routes pour les voitures. Parce que, mine de rien, ça peut avoir des applications. Si on connaît mieux la physique des frottements, effectivement, en cas de plaque de verglas ou de neige, c'est pas inintéressant. Mais c'est toujours étonnant de se dire que ces phénomènes simples, on ne les connaît pas encore tout à fait. C'est ça. Aux questions les plus simples, les réponses ne le sont pas. Oui, ça c'est vrai. Mathilde Fontaise, à découvrir dans le Science et Vie en kiosque ce mois-ci. Dans Science et Vie, ce mois-ci, les arbres sont nos alliés, et pas seulement pour lutter contre le réchauffement climatique, bien sûr, mais aussi pour doper l'agriculture en refertilisant les sols, pour relancer la biodiversité ou fournir les matériaux du futur. C'est le dossier qui est à la une de Science et Vie ce mois-ci. Merci Mathilde Fontaise et Sophie Bécherel. À bientôt. En deuxième heure, j'aurai l'immense plaisir de recevoir l'astrophysicien Hubert Ries. Avec lui, nous parlerons Big Bang, nuages cosmiques et poussière d'étoiles, bien sûr. Il va nous parler aussi de sa vie, ses découvertes, sa passion pour la vulgarisation et ses engagements pour la planète. C'est avec beaucoup de bonheur que nous allons arpenter l'univers d'Hubert Ries dans un instant. Mon amour, je dois courir, mais je ne sais qui ni quoi. Je cours après. Odyssée. Odyssée. Je sais qu'il y a des choses à fuir, il y a 100 000 regards à éviter. Odyssée. Odyssée. Je reviendrai conquérir lorsqu'ici tout sera droit et redressé. Odyssée. Odyssée. Je pars à demi-sourire, mais crois-moi, je ne fais vraiment pas exprès. Odyssée. Odyssée. Odyssée. C'était Odessa, Odyssée de Kerenan et Patchwork sur France Inter. Et on se retrouve juste après le flash avec l'astrophysicien Hubert Reeves. À tout de suite.